La vie on en a qu'une, tout pour la thune. Quand t'en as pas c'est dur de monter, on se pèse sa rancune, qu'une sur le bitume, on sait même plus sur qui compter. La vie on en a qu'une, tout pour la thune. Quand t'en as pas c'est dur de monter, on se pèse sa rancune, qu'une sur le bitume, on sait même plus sur qui compter. Si ton pote a tourné la veste, ne t'inquiète pas. Si ton pote t'a dit quelque chose, le répète pas. On se fait du mal, pourtant on n'y pense pas. Faut assumer tout ce que t'as fait, ne regrette pas. Chacun pour soi, on s'en fout que tu restes pas. Ta meuf c'est une salope, normal qu'elle t'écoute pas. Tu connais tout, mais pourtant tu n'y étais pas. J'avance pour ne pas tomber, je fais des petits pas. Me dis pas comment je dois faire, si tu connais rien. Ne dis pas que tu galères à des galériens. Personne ne lâche rien, même ceux qui manquent de rien. Donne pas de la valeur à ce qui valait rien. Quand on ouvre les yeux, si la mort te les a fermés, on récolte que ce que nos graines ont germé. Trop de vice, ta jalousie, on vous a cerné. J'suis comme obligé de penser aux frères enfermés. La vie on en a qu'une, tout pour la thune. Quand t'en as pas c'est dur de monter, on se baisse sa rancune, qu'une sur le bitume, on sait même plus sur qui compter. La vie on en a qu'une, tout pour la thune. Quand t'en as pas c'est dur de monter, on se baisse sa rancune, qu'une sur le bitume, on sait même plus sur qui compter. Si ton poteau a réussi, cesse de marronner. Si tu bois ta peine de whisky, t'en mets dans le nez. Toujours l'écran même quand t'es ballonné. N'attends pas les choses de personne, va te les ramener. Ça prend des cachetons que des granulés. De nos jours poteau y'a pas d'heure pour te faire allumer. Ça roule en bolide, permis annulé. Ça pilote alcoolisé, plein phare allumé. J'allumé, poteau d'enfant, ceux qui changent pas, calmez-les. Jaloux qui parle, ne mélange pas. L'argent qui n'en veut pas, on nous comprend pas. C'est un peu comme ceux qui coulent mais qui nagent pas. Fais pas trop de choses que tu pourrais regretter. Tu fais du mal, poteau, il est temps d'arrêter. On disait pas toujours tout ce qu'on commettait. En hiver qu'on mettait, pas temps de regretter. La vie on en a qu'une, tout pour la thune. Quand t'en as pas c'est dur de monter, on se baisse sa rancune, qu'une sur le bitume, on sait même plus sur qui compter. La vie on en a qu'une, tout pour la thune. Quand t'en as pas c'est dur de monter, on se baisse sa rancune, qu'une sur le bitume, on sait même plus sur qui compter. La vie on en a qu'une, on se baisse sa rancune. La vie on en a qu'une, on se baisse sa rancune. La vie on en a qu'une, tout pour la thune. Quand t'en as pas c'est dur de monter, on se baisse sa rancune, qu'une sur le bitume, on sait même plus sur qui compter. La vie on en a qu'une, tout pour la thune. Quand t'en as pas c'est dur de monter, on se baisse sa rancune, qu'une sur le bitume, on sait même plus sur qui compter. On sait même plus sur qui compter. On sait même plus sur qui compter. On sait même plus sur qui compter. On sait même plus sur qui compter. La vie on en a qu'une. On se baisse sa rancune.